le rencontrer. Vous allez en parler dans quelques instants. Merci Myriam, bonne émission. Jérôme 50 est présentement en tournée avec son spectacle Le camp de vacances de Jérôme 50. Ça va faire. Ne le manquez pas lors de son passage à l'Impérial Bell le 22 novembre prochain. Tous les détails de la tournée au jérôme50.buzz. Dans le numéro d'automne de Nuit Blanche, le livre jamais lu du poète Michel Plot. Assis sur ma galerie du quartier Saint-Jean-Baptiste, j'ai une superbe vue sur les Laurentides. Montagne, je vous écoute. La poète Ilnou Marie-André Gill et Je suis une maudite sauvagesse. Vivre ce paradoxe m'est souvent insupportable, mais je continue quand même pour la seule raison que je suis née dans ce monde. À découvrir, entre autres, une entrevue avec Caroline Georges, Notre-Dame littéraire, Parole vivante. Abonnez-vous, nuitblanche.com. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. Ici Myriam Leland, toujours en remplacement de Gentilhanne La France, au micro de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Ce soir à l'émission, on reçoit Rosalie Gamache qui nous parle de son exposition Costume et de sa pratique du portrait en peinture qui apporte un vent de fraîcheur complètement nouveau. On s'entretient avec John Bertium au sujet de l'exposition Décore ta face, maquiller ta maison chez Critérium. Et finalement, en fin d'émission, on reçoit Laurent Crast pour parler de son exposition Châtiment à la Galerie 3. C'est la première fois qu'il expose en solo à Québec en 20 ans de carrière. Pour l'instant, on se laisse sur une courte pause audio. On écoute la sélection musicale soigneusement choisie par Simon Roy ce soir. On découvre ensemble le groupe montréalais Orchestre Criminal, une joyeuse bande de punk criminel menée par la chanteuse excentrique et polyglotte Gisèle Weber. Les lamentations des prisonniers russes côtoient les rythmes euphorisants des gangsters yiddish et des complaintes des contrebandiers mexicains. Là, je vous lis une citation, en fait, de la Fabrique culturelle qui avait fait un vidéo sur eux. Ça a l'air assez éclaté. Donc, on se laisse sur la piste. Pardonnez mon yiddish, Moïchele Stolière, puis on retrouve Rosalie Gamache de l'autre côté de la pause audio. Yeah. mes bras. Bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes toujours en onde à CKRL 89.1, l'émission L'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec. Puis en studio avec nous, on a Rosalie Gamache. Bonsoir. Bonsoir, Myriam. On se parlait hors d'onde, puis tu me disais que c'était pas la première fois que tu venais en studio ici. T'es une habituée de l'aérospatiale. On pourrait dire ça. À quand remonte ta dernière visite, t'en rappelles-tu? C'était au début de l'automne pour parler de mon exposition précédente. Oui. Donc là, on parle d'exposition, justement. En ce moment, t'es à l'espace Parenthèse. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que t'exposes? Oui, donc à l'espace Parenthèse, c'est une série de tableaux qui s'intitule Costume. Donc c'est ce que j'appelle mes portraits doubles. Donc, ce sont des portraits qui traitent de l'identité de genre. Donc, ce sont toutes des personnes de Québec qui ont posé pour mon projet. Puis, ce sont des portraits qui cherchent à dévoiler la dualité au niveau de l'identité de ces personnes-là. Donc, sous forme de collaboration, chaque tableau, finalement, s'est formé autour de l'identité de chacune de ces personnes-là. OK. Puis est-ce que c'est pour ça que tu appelles ça des portraits doubles? Oui, ben c'est le nom que j'ai donné à on va dire, les différentes techniques que j'utilise pour élaborer ces portraits-là. Donc, l'idée, c'est que ce sont toujours deux portraits qui se rencontrent. Et puis, j'utilise trois techniques différentes là, pour faire ces effets-là. Donc, je peins sur un papier calque de polyester, qui est un papier un peu translucide. Et puis, donc, à certains moments, je vais peindre des deux côtés du papier. Donc, je vais pouvoir faire rencontrer deux images. Donc, on voit finalement, au niveau de la couche picturale principale, on va voir un premier portrait. Puis, il peut y avoir des trous dans cette couche-là qui vont laisser dévoiler l'envers d'un autre portrait qui aurait été peint à l'endos, finalement. Mais deux portraits de la même personne. De la même personne, toujours. OK. Aussi, l'autre technique que j'utilise, c'est l'entrelacement. Donc là, à ce moment-là, je fais carrément deux peintures et que je vais découper en bandes horizontales et verticales. Puis, je vais les entrelacer l'une dans l'autre. Donc, cette technique-là, ce que ça fait un motif carrelé. Et puis, parfois, je vais sauter des bandes. Donc, ça peut être un motif un peu irrégulier aussi qui va... Donc, ta trame n'est pas toujours régulière. Exactement, c'est vraiment comme un gros tissage, ouais, dans le fond de portrait. Ça. Exactement. Puis, ce que cette technique-là, finalement, elle permet de montrer et de cacher aussi chacune des deux peintures. Donc, ça va un peu avec l'idée d'identité, puis du costume aussi que je souhaite aborder dans cette série-là. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. D'ailleurs, je me demande, tu parles des personnes qui ont posé pour ces portraits-là. Oui. Ce sont toutes des personnes de Québec. Est-ce que c'est des personnes que tu connaissais déjà? Oui, ben, j'avoue que dans mon cercle d'amis aussi, à travers mon parcours dans les arts, c'est des personnes que je connaissais déjà, qui m'ont inspirée aussi. Il y a des personnes, ce sont aussi d'autres artistes qui, même dans leur pratique, vont traiter un peu de ces enjeux-là. Et puis, un peu de fil en aiguille comme ça, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés. Donc, ça allait un peu dans les deux sens. Parfois, je pouvais rencontrer quelqu'un puis lui parler du projet, lui demander si ça l'intéressait. Ou des fois, c'est quelqu'un qui entendait parler de mon projet puis me disait que ça l'intéressait. Donc, ça s'est fait un peu comme ça, tout naturellement. Puis comment est-ce que tu procédais pour faire ces portraits-là? Parce que je sais qu'un portrait, bon oui, c'est la représentation picturale de quelqu'un, mais c'est surtout la représentation de sa personnalité, puis comment cette personne-là veut se faire représenter. Exactement. Ben c'est vraiment des portraits psychologiques, je dirais. Donc, on procédait avec des rencontres où on discutait autour de la façon dont ils s'identifiaient à un genre ou à un autre. Finalement, au niveau, ça peut être du quotidien ou un petit peu plus dans leur espace personnel. Donc, on discutait, on pouvait parler autant des couleurs du portrait, de la technique que j'allais utiliser, de la pose, de l'attitude, de ce qu'on voulait qu'il se dégage, s'il y avait le féminin ou le masculin finalement qui pouvait prédominer sur l'autre. Donc, l'idée, c'était de créer une image qui allait les représenter d'un point de vue symbolique aussi. Mm-hmm. D'où la question de costume, justement, d'avoir cet aspect-là du quotidien avec peut-être une autre facette de leur vie. Exactement, oui. Ouais. Puis, depuis combien de temps t'explores ces sujets-là? Est-ce que ça a toujours été dans ta pratique de mettre en lumière ces enjeux-là ou c'est venu d'une certaine façon? Ben, j'avoue que souvent avec du recul, on regarde ce qu'on a fait, puis l'idée de dévoiler et de cacher, finalement, de pas tout donner à voir, ça, c'est une thématique que j'ai souvent abordée. OK. Mais l'idée, dans le fond, finalement, c'est comme si j'avais mis, on va dire, deux approches différentes au niveau du concept de on va dire, du portrait en général, donc de l'identité, comment qu'on peut représenter l'identité de quelqu'un avec un simple portrait, puis aussi cette idée-là d'une œuvre d'art plus mystérieuse où on va montrer et cacher des choses à la fois, on va faire des choix esthétiques pour ne pas tout donner à voir au spectateur, finalement. Créer un mystère, une certaine attraction, une tension aussi. Exactement. Là. Mais ouais. C'est très bien réussi pour les avoir vus seulement en photographie. Là, j'ai bien hâte de les voir en personne. Puis, comment est-ce que tu composes ton œuvre? Je me demandais ça. Une fois que tu as rencontré la personne, j'imagine que ça mijote dans ta tête. Puis après ça, est-ce qu'il y a une chose que par laquelle tu commences toujours ou À vrai dire, on fait une série de photos. Donc moi, je travaille à partir de documentation photographique. Là, je fais pas poser mes modèles pendant, on va dire, 50 ou 100 heures parce que parfois j'ai des tableaux qui peuvent me prendre aussi longtemps que ça à faire. Donc puis il y a la vie aussi. Hein, les gens ont pas tout le temps 50 ou 100 heures ils ont pas juste à donner. Non, c'est ça. Donc on commence avec une série de photos et puis là, vraiment, c'est j'explore de façon numérique là dans Photoshop, je joue avec mon image, ces différentes compositions. Donc je teste mes idées finalement sous forme de maquette numérique. Puis une fois que ça me satisfait, ben là, j'exécute le tableau à partir de cette maquette-là. Souvent, je dirais que le résultat est assez proche, mais parfois, il peut y avoir des petites dérives qui vont... Selon l'inspiration, j'imagine. Exactement. Des fois, on se rend compte, telle chose, ça fonctionne mieux comme ça. Ou, donc, il y a toujours dans le processus créatif, on a toujours des surprises. C'est ça qui fait partie de la beauté. Si tu travailles avec la peinture à l'huile, parce que c'est ça ton médium, oui. Je crois, si tu travailles avec la peinture à l'huile, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Sinon, tu travaillerais dans le numérique, justement. Non, il y a quelque chose qu'on sort du médium, exactement. Je présume. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup de plaisir à composer mes images visuellement, mais je dirais que mon plus grand plaisir, c'est vraiment dans le geste de peindre. Ouais. Puis, je te demandais depuis combien de temps tu explorais ces enjeux-là, mais ce projet spécifiquement-là, pour lequel d'ailleurs tu as eu une bourse Première Ovation. Oui. Puis, qui ont été exposés dans le cadre de manifs aussi, si je me rappelle bien. Oui, avec les bibliothèques. Finalement, j'ai fait deux expositions. Une cet été à la bibliothèque Claire-Martin, l'autre à la bibliothèque Paul-Aimé Paiement. Puis ça, c'était avec Manif d'art, c'est ça. Puis j'avais eu une bourse de projet pour créer la série d'œuvres. Et puis, finalement, la série d'œuvres se trouve à voyager un petit peu à différents endroits au courant de la prochaine année. Donc, oui, c'est ça, parce qu'après, je crois que tu as une autre exposition. Est-ce que c'est possible? Oui, j'en ai deux autres après ça qui s'en viennent. À quel endroit? Au Moulin La Lorraine, au Lac et de Chemin, puis ensuite de ça, au centre d'exposition de Val-d'Or, donc en Abitibi. C'est d'accord, quand même, un bon petit voyage. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, je te demandais depuis combien de temps tu explorais ces enjeux-là, mais je me demande comment ce projet-là a commencé, ce projet spécifique-là. Oui, bien, pour faire une histoire courte, j'ai fait une session à Marseille en 2017, session à l'université. Un échange. Puis, étant à l'étranger, je voulais chercher un nouveau support pour peindre qui allait être plus léger, donc plus facile à ramener, si on peut dire. Parce que moi, j'ai tendance à faire plus des tableaux sur des panneaux de bois marouflés à la colle de peau de lapin. Donc, ça fait quand même. OK. Si je fais une dizaine de peintures là-bas, je me disais, bon. Oui, par avion, c'est moins. Non, ça se fait, mais c'est. donc, c'est ça. Fait que là, j'ai exploré, puis j'ai découvert ce nouveau support-là, puis j'ai fait plusieurs tests. Donc, ça m'a amené à jouer avec la transparence, le fait que je pouvais le découper, tout ça. Puis comme étant toujours inspirée par le portrait à la base, donc j'ai commencé en faisant des tests avec des portraits. C'était pas vraiment important, on va dire, le concept à la base, c'était plus des tests techniques. Puis après ça, je me suis posé la question, mais quel sujet qui pourrait finalement soutenir cette technique-là qui est de présenter deux portraits en un, finalement. L'idée d'avoir une dualité au niveau de la rencontre de ces deux portraits-là qui aurait une signification plus profonde. Ouais. Donc là, j'en suis venue à réfléchir à ça. Puis au départ, j'ai plutôt travaillé avec des drag queens. Donc là, il y avait vraiment l'aspect très... Du costume, Du personnage burlesque, puis vraiment de l'homme plus quotidien là, qui oui. se cache derrière. Donc, j'avais commencé comme ça. Puis après ça, ben, j'ai plus un peu ouvert, on va dire, de façon plus large, aller chercher des gens qui se questionnaient, mais peut-être d'une façon plus intime par rapport à ça. Oui, c'est ça, ouais. moins évidente, moins ouais. spectaculaire. C'est ça. Ouais. Ah ben c'est super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, ton exposition qui s'intitule « Costume », c'est à l'espace parenthèse. C'est déjà ouvert, en fait, ça a commencé le 18, oui. mais le vernissage, c'est ce jeudi à partir de 17h30, c'est bien oui. ça? Donc, je serai là demain soir pour vous accueillir, vous parler. Génial de nous parler encore. Oui. J'aurai encore plein de questions pour toi, mais la radio oblige, on se parle au vernissage demain. Merci beaucoup, Rosalie. Merci, Myriam. Bonsoir. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. Ce que vous entendiez juste avant d'entendre ma douce voix, c'était le groupe Orchestar Criminal, l'album Rio Bra, et c'était la piste Charcy. Magnifique sélection de Simon Roy pour nous. Puis maintenant, on a John Bertium qui est avec nous en studio pour nous parler de son exposition. Bonsoir, John. Oui, bonsoir. Donc, tu me disais, c'est la première fois que tu fais une entrevue radiophonique comme ça. Oui, merci de m'inviter. Ben, ça fait plaisir. C'est tellement intéressant ce que tu fais. Donc, comme je disais, l'exposition « Décore ta face, maquille ta maison » qui me fait beaucoup rire. C'est chez Critérium à partir de ce vendredi. Oui, exact. Puis, ben, peux-tu nous parler un peu de ce que c'est? Je pense que c'est assez varié oui. aussi, là. Oui. Ouais. En fait, ce projet-là est l'aboutissement de ma maîtrise en arts visuels faite ici à l'École d'art de l'Université Laval. Puis, ça comporte des dispositifs artisanaux en métaux qui, eux, abritent des tubes cathodiques, des écrans à tubes cathodiques. Okay. Donc, c'est multi-écran. Et dans les écrans, c'est souvent multi-vidéo. Donc, on va avoir des mosaïques de vidéos. Et ces vidéos sont un mélange de vidéos que je vais avoir captées moi-même, des vidéos d'archives qui mettent tous en scène l'image du corps. OK. C'est, toutes les images ont une image du corps d'une certaine oui. façon. Ah, je connaissais pas cette information-là. Ça ajoute une petite couche d'intérêt. Puis comment tu fais la sélection de tes vidéos à travers soit tes vidéos à toi ou les vidéos d'archives? Est-ce que bien sûr, il y a le critère du corps, mais est-ce que tu as d'autres critères? La manière que l'image du corps va être mise en scène, ça va être dans l'intention de projeter une image de soi qui va être contrôlée face au monde. Donc, ça, c'est un de mes critères. Puis, pour ce projet-là, spécifiquement, je m'intéresse aux gestes d'esthétisation qui vont être apportés autant au corps qu'à l'environnement matériel qui va entourer le corps. Donc, je vais faire des comparaisons de la manière qu'on va, disons, appliquer des traitements esthétiques à notre corps, comme on va appliquer exactement un traitement similaire à nos objets. À notre maison, par exemple. Oui. D'où le titre, oui, je présume. C'est ça. Ouais. C'est toi qui l'as trouvé, le titre? Oui. Ouais. Ça, encore une fois, ça me fait bien rire comme titre. C'est comme la petite inversion de « On a décor ta vie » qui vient en tête tout de suite. Donc, justement, sur ce sujet-là, de toutes les émissions de makeover, autant physique que de maison, je présume que c'est une critique, justement, sur cette société-là de maquillage, un peu, de tout le temps tout redécorer, tous les aspects de notre vie. Oui, c'est certain qu'il y a quand même une critique, regard social, mais en même temps, je suis pas contre le maquillage, là. C'est plus que je veux souligner la relation qu'on va avoir avec notre corps en lien avec la manière qu'on va appliquer ces gestes-là. Donc, pourquoi qu'on les applique pour affirmer notre féminité ou vraiment pour projeter une image de nous-mêmes qui va être valorisante? Je comprends. C'est vraiment une belle réflexion à avoir. D'ailleurs, où est-ce que tu en es rendu dans cette réflexion-là? Je me demande, parce que comme artiste, on produit des images, on va maquiller souvent des images. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ton rôle en tant qu'artiste dans cette société-là de l'esthétisme? C'est une grosse question, hein? Oui, vraiment. Mon rôle, en fait, ça va être plus d'essayer de sortir les gens un peu de leur quotidien en leur montrant mes images, à cause que je considère que les gens sont entourés d'images à un point tel qu'on les voit plus, les images. Donc, en réutilisant ces images-là, en les fragmentant, puis en faisant quelque chose qui est inhabituel, qu'on voit pas normalement, on va voir le résultat et non le traitement esthétique, disons, ça peut soulever des questions, les intéresser, puis les sortir de leur quotidien pour un instant. Ben, c'est vraiment intéressant. J'ai remarqué, en regardant ton site web un petit peu, là, je me suis amusée avant qu'on se rencontre aujourd'hui, que tu as fait de l'art public à la Place des Arts à Montréal, qui est un peu sous la même le même mode de création, si on peut dire ça. Peux-tu nous en parler un peu de cette œuvre-là? Donc, c'est une œuvre qui est assez monumentale, à cause que c'était avec le dispositif de la Place des Arts. Ça, c'était vraiment le fun à faire parce que j'avais pas besoin de fabriquer le dispositif. J'avais déjà 35 écrans que je pouvais utiliser librement. Puis ça a été quand même un travail d'équipe, là. J'ai fait affaire avec une fille en design, une autre qui m'a aidé avec les archives. Puis, tu sais, on était plusieurs. Puis, la mosaïque, le nom du dispositif, déjà, c'est la mosaïque. Donc, on a décidé d'utiliser tous les écrans, pas comme un écran de cinéma, mais vraiment comme des écrans distincts qui, eux, mettre une espèce d'avalanche d'images, là, ça fait un couloir d'images. C'est ça, on se sent submergé, même juste en voyant les images de cette œuvre-là, on sent, comme tu dis, une avalanche d'images. Puis ces images-là, c'est des images qui sont prises de tout le monde, en fait. On a fait une collecte d'images parce que on voulait un peu soulever le questionnement de notre consommation, mais aussi notre production d'images à tout photographier, à tout publier sur les réseaux sociaux. Donc, c'était un peu ça, qu'est-ce qu'on interrogeait avec ce projet-là. Puis c'est ce que je continue encore d'utiliser avec l'abondance d'images. Je travaille toujours avec une abondance d'images. Oui, ben d'ailleurs, avec décor ta face, maquille ta maison. Ouais, c'est mélangeant. Oui, c'est ça, on essaie de pas inverser les deux. On voit ça aussi, justement, cette abondance d'images-là. Par contre, Critérium, c'est un petit peu plus petit comme espace. Oui, mais c'est leur vitrine qui m'a vraiment attirée. En fait, je voulais absolument exposé dans une vitrine parce que là, je peux pas nécessairement aller dans un espace public à cause que mes dispositifs, il y a de l'électronique, à l'air, sont vraiment dénudés. Donc, il faut un espace quand même clos, intérieur. Puis la vitrine, elle, va communiquer avec la rue. Puis surtout, Critérium, c'est à côté de la rue du Pont. C'est très passant. Donc, on a le lieu qui est juste à côté, le quartier Saint-Roch. C'est un quartier qui est très piéton aussi. Oui. Ça fait penser un peu à dans les films américains, là, on voit souvent ça, les news flash, là, les flashs de nouvelles, puis avec toutes les télévisions. Oui, oui. Quand t'as dit que justement dans les vitrines, ça fait un peu penser à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu un peu avec le montage ou c'est une citation que tu voulais faire à la non, base? Non, c'est venu avec le montage. Ouais. Ouais. D'ailleurs, le montage, parlons-en, on s'en parle un petit peu hors d'onde. Des TV cathodiques, de l'électronique un petit peu désuet, c'est sûr que tu peux pas faire ça toute seule. Non, puis en plus, il a fallu que je me forme en technologie analogique. Donc, j'ai fait ça pendant ma maîtrise, là. Évidemment, je suis la génération du numérique. Oui. Mais c'était important pour moi de recycler de la technologie, pas d'en acheter puis d'en faire produire de la nouvelle. Ouais. Donc, j'ai où est-ce vraiment... que tu sources tes matériaux, justement? Une collecte. Je fais des annonces sur le web. Les gens me disent qu'ils vont jeter leurs DVD, leur télévision cathodique. Moi, j'ai récupéré, j'ai des nudes, puis je les utilise pour mon installation. Mais bon, les tubes cathodiques, c'est extrêmement lourd. Quand j'ai, oui. ouais, quand j'ai commencé ce projet-là, je ne m'attendais pas à perdre mon autonomie d'artiste. Il me faut vraiment toujours ah, un ouais. assistant. Mais bon, en or, on est quand même on est une belle communauté. Là. Je suis bien oui. entourée. Là. Mais c'est vrai que ça sort un peu de l'artiste dans son atelier qui crée ouais. quand il veut, puis à l'heure où elle veut. Là, il faut vraiment que tu te fies à l'horaire de d'autres gens. Ben, venu le moment de déplacer le tube cathodique, j'ai quelques problèmes. Oui, t'as pas le choix. Puis, tu mentionnais tes études. Toi, t'es de Montréal à la mm-hmm. base. T'as fait ton baccalauréat à l'Université de Montréal, c'est ça? Oui, Université c'est ça. Du Québec du à Montréal, Québec, ouais, à l'UQAM. Exact, l'UQAM. Puis là, t'es en train de faire ta maîtrise à l'Université Laval, c'est oui. bien ça? Oui, ben, en fait, normalement, elle devrait être presque terminée okay. vendredi. Là, ça... oh. Il va rester les petites procédures de la Faculté des études supérieures, mais... D'accord, mais techniquement, oui. t'as fini ton processus de recherche. Oui, là. C'est ça, c'était de 2007 à 2019. OK, ben félicitations. Merci. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie de venir vers Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré? Oui, oui? C'est sûr. J'imagine. Oui, c'est la proximité des centres d'artistes. Ah oui. Comme là, ici, je suis venue à pied à la station de radio, de Critérium, tu sais, c'est... C'est vraiment c'est génial magique, pour oui. ça. Puis une belle communauté d'artistes oui. aussi. Ben, d'ailleurs, j'y pensais en m'en venant ici à l'aérospatiale, on a une émission hebdomadaire, puis on réussit à chaque semaine, en une heure, à couvrir une petite partie de l'actualité. À chaque semaine, on a toujours quelque chose dont on peut parler. C'est quand même assez exceptionnel. Oui. C'est très en actif. Ouais. Oui, j'imagine que tu t'es inspirée. Ben, tu t'as puisé là-dedans un petit peu aussi oui. au cours de tes études. Oui, puis qu'on le veuille ou non, quand on déménage d'un endroit qu'on est habitué, ça nous laisse plus de liberté pour se consacrer à la création artistique, ouais. en fait, parce que là, tu sais, j'ai laissé mes emplois alimentaires, j'ai mis tout de côté ce qui me prenait beaucoup de temps pour vraiment dire « je viens à Québec, je me consacre uniquement à ça ». À ma maîtrise, oui. à ma création. C'est vraiment génial. Tu as eu d'ailleurs plusieurs expositions collectives et solo dans les quatre mm-hmm. dernières années. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des petits projets, des petits scoops à nous donner? En fait, je regardais pour peut-être exposer à Topo à Montréal. D'accord. Par contre, c'est pas encore confirmé. Là. Ça va peut-être être plus en 2021, là, donc c'est quand même assez loin. Mais sinon, j'espère que j'aurai bientôt encore des expositions collectives. J'aime beaucoup collaborer avec d'autres artistes. Oui, toujours ouais. Avec la méthode de mosaïque de télévision. Oui, ça, j'adorais ouais. leur faire. Ben, je te le souhaite vraiment. Alors, l'exposition « Décor ta face, maquille ta maison » à ne pas inverser chez Critérium. Donc, c'est à partir de vendredi le 22 novembre. Il y a un vernissage dès 17h. J'imagine que tu seras présente. Oui, tout à fait. Et ça se termine quand? Vendredi, ça va se terminer quand ça va se terminer. Puis oui. après ça, c'est l'exposition, jusqu'au... Oui. Il n'y a pas d'heure, mais après ça, c'est jusqu'à vendredi le 29. D'accord. Ben bonne exposition. Profites-en bien. Merci beaucoup d'avoir Merci été beaucoup. Présente avec nous. CKRL. Fait que le poisson, il a remonté le courant pour être avec nous autres dans notre jus de pied. Mais pourquoi il est mort? Le sais-tu? Moi, je sais pourquoi. La traversée par le drain était trop rough, môme. Les cheveux, ils ont rentré dans la gorge, puis il est mort. Étouffé! Bon, c'est beau, là. T'as-tu assez fait ta comique? De quoi, ma comique? C'est une tragédie, mom! Le collectif des Sœurs Amar présente Nikki ne mourra pas, du 12 au 30 novembre au Théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins. Pour toute information ou pour l'achat de billets, premieracte.ca. Quand l'hiver approche, on se rapproche. Du 18 au 24 novembre, c'est la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Au programme, des activités gratuites partout au Québec. Consultez le calendrier des événements au sqri.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Le 19 décembre, au Grand Théâtre, assistez à la toute dernière représentation du spectacle « Viens avec moi » des Hôtesses d'Hilaire. Cet opéra rock déjanté, sur fond de rock psychédélique, influencé par la musique des années 70, est une épopée rocambolesque, avec pas moins de 13 personnes sur scène. Voyez « Les Hôtesses d'Hilaire » le 19 décembre, au Grand Théâtre de Québec. L'humour au Bal du Lézard, c'est la soirée d'humour différente à Québec. Une soirée de découverte, de rire et de folie, avec l'ambiance du légendaire Bal du Lézard. Chaque mois, des humoristes émergents, pertinents, différents viennent rencontrer le public le plus fidèle et ouvert de la ville de Québec. Avec Val Belzil à l'animation et Guillaume Boldoc à la chronique, ça se passe à chaque premier jeudi du mois à 20h30. Suivez donc la page Facebook pour la programmation complète. Je tenais. Tu rêves de jouer au Festif de Baie-Saint-Paul? Le Cabaret Festif, c'est pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 000 $ en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil. Inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca/cabaret. Pneus Bazar et CKRL vous offrent la possibilité de gagner un certificat cadeau de 400 $ au meilleur centre de pneus à Limoilou, à compter du 11 novembre. Écoutez les matins éphémères entre 6h30 et 9h et un finaliste par jour sera sélectionné parmi les appels reçus. Le grand tirage aura lieu le 22 novembre. Pneus Bazar, 70 3e avenue à Limoilou, 88-522-1130. Prenez rendez-vous en ligne sur pneubazar.com. Chez Pneus Bazar, on prend soin de vous. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Bonsoir, re-bienvenue à l'aérospatiale, toujours sur les ondes de CKRL 89.1, toujours Myriam Leland en remplacement de Gentiane La France, et avec moi en studio, on a Laurent Crast, bienvenue. Merci, bonsoir. Ça va bien? Très, très bien, merci. Bien, merci d'être présent en studio ici. On se parlait justement hors d'onde que c'était votre première fois. Ta première fois, on s'est dit oui. Qu'on se tutoyait aussi. Voilà, on est à l'aise à l'aérospatiale. Donc, c'est ta première fois à Québec en solo. Comment tu aimes Québec jusqu'à maintenant? Moi, c'est une ville que j'adore. Ah oui? Oui, je viens très souvent en visite. Et je suis très heureux de commencer une collaboration avec la Galerie 3. Oui. Où j'expose à partir de vendredi prochain. Ce qui me permet effectivement de montrer mon travail pour la première fois en solo dans cette très belle ville. Parce que tu exposes aussi dans l'exposition permanente du Musée de la Civilisation, c'est bien voilà, ça? Voilà, Musée de la Civilisation, en fait le Musée de l'Amérique française. Oui. Voilà, exactement. Il y a une exposition permanente sur les métiers d'art et j'y suis présent. Donc c'est une exposition qui se poursuit jusqu'au mois de mars 2020. Mais qui a commencé en 2015. D'accord. Donc, on a encore du temps un peu pour voilà. Voir ces œuvres-là. Voilà. Avant de prendre les devants sur d'autres sujets, on est ici pour parler de ton exposition Châtiment, justement, à la Galerie 3, comme tu le mentionnais. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se retrouve dans cette exposition-là? Alors, j'y montre une sélection d'une trentaine d'œuvres. C'est une exposition assez généreuse en termes de nombre d'œuvres et surtout des œuvres qui n'ont jamais été exposées au Québec. D'accord. Donc, il y a plusieurs œuvres qui ont été exposées déjà en Ontario ou aux États-Unis, en Californie et au Nouveau-Mexique, et qui sont revenues à mon atelier de Montréal récemment, que je peux donc maintenant montrer pour la première fois au Québec. Et puis aussi, plusieurs œuvres qui sont toutes fraîches, sorties de mes fours céramiques le mois passé, et que donc on va voir en exclusivité à la Galerie 3. Donc, ce sont toutes des œuvres récentes. Puis, qu'est-ce qu'on peut y voir? Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ton travail du reste de ton corpus ou c'est du nouveau? Il y a du nouveau, mais ça s'inscrit quand même dans une démarche que je mène depuis plus de 10 ans, en fait, une recherche sur les archétypes historiques de la céramique occidentale, pour être très précis. Oui, c'est ça. Qu'est-ce voilà. Que t'entends par ça, les archétypes de la céramique occidentale? Alors, en fait, ce sont des objets très facilement reconnaissables par tout un chacun. Ce sont les vases de porcelaine produits par les manufactures européennes au 18e et 19e siècle. Ce sont des formes... Alors, dit comme ça, ça a l'air compliqué. En fait, c'est très simple. Ce sont des vases très classiques. avec des architectures qui réfèrent à l'antiquité gréco-latine. Si je vous parle du vase Médicis, en fait, le mot vous dit peut-être rien, mais vous allez reconnaître instantanément la forme. C'est très décoratif. Ce sont des objets décoratifs, très ornementés, soit par des images, des motifs décoratifs peints, ou encore par des motifs en relief. Et donc ces objets étaient produits au XVIIIe et XIXe siècle dans les manufactures européennes et étaient produits par et pour l'aristocratie. Donc ce sont des objets qui sont extrêmement connotés d'un point de vue historique. Et c'est associé à l'élite. Absolument, ils sont associés aux élites sociopolitiques. Pour le grand public, ce sont des objets qui nous semble absolument inoffensif aujourd'hui. Alors même un peu kitsch, en fait, parce que dans les années 80-90, il y a eu un petit relan de gréco-romain à la Liberace. oui, on peut le voir à la Liberace, effectivement, avec l'excès de dorure. Oui, voilà. Exactement. Oui. Oui, ce sont des objets qui réfèrent à un monde passé, un monde disparu. Mais qui pourtant portent en eux des significations historiques et politiques très importantes. Mmh. Alors moi, je les réinterprète, et je les interprète de deux façons. En fait, je fais des interventions sur ces archétypes, des interventions d'abord physiques. Alors on voit des objets qui semblent avoir été mutilés, vandalisés par des outils d'ouvriers. Alors il y a des haches plantées dans des vases de porcelaine, il y a des barres à clous enfoncés dans ces vases, il y a des vases qui sont crucifiés au mur, suspendus à des crochets de boucher, donc il y a toute une panoplie de tortures. Un hachoir de boucher aussi. Le hachoir de boucher, c'est une œuvre toute nouvelle qui n'a jamais été exposée, qu'on va voir à la Galerie 3, voilà. Et donc il y a une sorte de conflit qui est exprimé dans ces œuvres-là, entre d'une part les objets aristocratiques et des outils d'ouvriers. Oui, c'est ça, puis... ces outils-là semblent usés, même. Ils sont pas le hachoir de boucher. Là, c'est pas quelque chose qu'on va trouver dans une boutique Ricardo. Absolument. Là. Non, pas du tout. je tiens toujours à utiliser des outils qui ont été utilisés. Qui ont une vie. Qui ont une vie. Qui portent les marques du travail de l'ouvrier, en fait. Donc, je les trouve dans les marchés aux puces, les essentiellement. Brocantes. Les brocantes, voilà. D'accord. J'en ai rapporté récemment dans mes valises de France. C'est un peu étrange de voyager avec des haches dans sa valise. Mais... Oui, j'imagine qu'il y a des petites questions qui doivent... Au niveau des douanes, oui, ça passe difficilement. donc voilà, c'est une histoire de contraste, en fait, de rencontre, d'illustration un peu surréaliste de la lutte des classes, à travers la rencontre entre ce monde ouvrier et ce monde de l'aristocratie. Et cette série, elle est très visuellement percutante. Oui, vraiment. Et elle est très populaire aussi. C'est un peu elle qui me définit. Ben, je suis connue pour le gars qui plante des haches dans les vases de porcelaine. Je peux comprendre pourquoi. Puis, je remarque aussi, parce que là, quand pour les auditeurs qui n'ont jamais vu ton travail, on se dit, bon, planter une hache dans un vase de porcelaine, ben, ça casse, puis ça fait des miettes partout, mais voilà. C'est pas tout à fait comme ça que tu le fais. Bon, c'est ça. C'est une intervention qui se produit en amont, évidemment, du travail. Moi, ma formation, je suis artiste en art visuel, mais avant ça, je suis un céramiste potier. J'ai une formation en céramique utilitaire et donc je fabrique mes objets sur le tour de potier et j'interviens sur ces objets dans mon atelier avant qu'ils soient secs. Quand ils sont encore mous. Voilà. Ça se voit d'ailleurs dans le... Moi, c'est ce qui me fascine dans ces objets-là, c'est de voir... c'est que c'est déchiré au lieu d'être cassé. Absolument. Donc, il y a un côté surréaliste, parce qu'évidemment, si je devais faire ça sur un vrai objet de porcelaine, l'objet casserait. Voilà. Bon, puis ce serait tout, on aurait juste des débris. Avec un hachoir dans le milieu. Avec un hachoir dans le milieu. Donc, moi, j'interviens à un stade précoce de la fabrication, ce qui me permet de déformer les objets, de me servir de leur plasticité. Et puis, après cuisson, bien, je reviens insérer les objets dans les outils d'ouvriers dans les objets céramiques. D'accord. Et donc, il y a un aspect très surréaliste, un petit côté cartoon aussi. Hein. Oui. On est dans Tex Avery. Oui, vraiment. Et puis, les objets semblent avoir pris l'impression de l'outil, mais ils ont aussi résisté finalement à l'agression. Ils se sont déformés, mais ils ne sont pas détruits. Donc, il y a un aspect comique. Oui, vraiment. Voilà. Il y a vraiment cet aspect-là surréaliste, un peu impossible de voir le vase qui s'est comme affaissé sous le coup du clou, mais qui n'a pas brisé, mais qui a quand même un trou déchiré voilà, dedans. C'est ça. Il y a vraiment une tension aussi qui est créée avec ce contraste-là. Quand je parle de mon travail, je dis souvent qu'il est tragicomique. Oui. Donc, il y a les deux. Il y a la violence qui est là, qui est très présente, mais il y a aussi l'aspect comique. Ouais. Dans cette série-là. Donc, c'est dans cette série qui s'appelle la série Sévices. Mm-hmm. Mais il y a un deuxième corpus d'œuvres qui est présenté dans l'exposition, qui provient de la série que j'appelle Détournement. À ce moment-là, les objets ne sont pas transformés physiquement. Il n'y a pas d'intervention physique sur les objets, mais il y a une intervention iconographique. D'accord. Donc, ils gardent leur forme originelle. Le vase Médicis reste un vase Médicis. Le vase fuseau reste un vase fuseau, mais les images représentées sur les vases sont complètement différentes. D'accord. Et complètement différentes, dans quel sens? On est curieux. Alors, là encore, il y a introduction des tensions sociopolitiques. On imagine que ce n'est pas des scènes gréco-romaines, justement. Non, pas du tout. bon, faut comprendre que dans les objets originaux du 19e siècle, par exemple, de l'époque napoléonienne, eh bien, on représente son château, on représente le portrait du monarque. Donc ce sont encore des images qui véhiculent une idéologie et qui sont associées au pouvoir politique et au pouvoir économique. Mm-hmm. Moi, dans mes transformations d'images, j'introduis des scènes de violence, des scènes d'émeutes urbaines, décontextualisées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça provient, mais on voit des pneus qui brûlent, des voitures renversées qui brûlent. Mmh. Et donc j'introduis là encore une fois la tension sociale dans l'objet aristocratique. D'accord. On y trouve aussi des objets, des instruments de châtiment, comme une guillotine, avec les deux petits parements de chaque côté, des têtes grecques qui sont des parements décoratifs sur les côtés. Et l'objet donc prend un tour assez sinistre finalement, mais reste extrêmement beau. Oui, ben, selon les photos que j'ai vues, tout à fait. Je peux pas dire le contraire. Voilà. J'ai envie qu'on continue à en parler l'autre côté de la pause audio. On écoute toujours le groupe Orchestre Criminal, l'album Riobra, et le titre, pardonnez mon yiddish encore une fois, Avreml der Marviker. Sollte neut mich herausgetrieben, wenn ich hab noch kein Draht zu mir gehabt. In der Fremd war die Mames Eugen, hat in Schmitz mich die Gans der Zeugen gewohnt ist von mir a Weile jetzt. Ich bin ein reiner Feigster, mein Licher, ein größer Künstler, harbet leicht in sicher. Du selbst mal fällst Gedenken bis in Deut, rein in Zwisse, da lachen in der Breit. Ich kann nicht doch machen, wie jene Brüste jetten. Ich zieh nur Bagage, schmitzige im Leben. Gebeten freut, ein Nummer vielleicht noch geben. Nur jene Leid, wo singen du mit Sack. Rebonsoir, chers auditeurs et auditrices, toujours en onde de CKRL 89.1, l'émission L'Aérospatiale, et on est encore avec Laurent Crast en studio, c'est trop intéressant, on le garde jusqu'à la fin avec nous. Donc, avant la pause audio, on parlait des interventions plus iconographiques que tu fais sur tes vases, tu nous parlais d'images, bon, on reste toujours dans la violence et le tragicomique, oui, tu nous parlais d'émeutes, de pneus qui brûlent, de guillotines, d'ailleurs, je crois que c'est ma préférée, celle-là, le vase guillotine. Oui. puis, tu nous parlais justement de châtiments qui sont faits à ces œuvres-là. On présume que le titre de l'exposition, Châtiments, absolument, vient oui, de oui. là. Oui. Puis, je me demandais, les images qui sont... est-ce qu'elles sont imprimées sur le vase? Il y a différentes techniques, ouais. En fait. Il y a d'abord de la peinture sur porcelaine. D'accord. Est-ce que c'est vous qui peignez? Oui, oui, moi je suis l'artisan de mes œuvres du début à la fin. Donc je les forme sur le tour de potier, j'interviens, je les cuis, je les émaille, etc. Et je les décore aussi. Donc certaines œuvres sont peintes comme elles étaient peintes à Sèvres ou à Meissen au XVIIIe siècle. avec des pigments que j'importe de France, en fait, qui viennent de Limoges. Et c'est donc un des grands vases de l'exposition qui s'intitule « L'arbre », et en fait qui représente une voiture écrasée contre un arbre, a été peinte à la main avec les techniques traditionnelles. Maintenant, j'utilise d'autres techniques, la sérigraphie à la main aussi. Ah, d'accord. Et puis, le transfert numérique d'image, qui est une technique toute nouvelle que j'ai introduite dans ma pratique, qui demande de travailler les images sur ordinateur et puis d'aller les faire imprimer, en fait, dans une entreprise spécialisée. Je les commande dans l'État de New York. D'accord. Et elles me seront envoyées. Et elles sont après ça appliquées sur la céramique et cuites, puisque tous mes décors sont cuits. Oui, bien sûr. Et il y a aussi des décors à l'or. Donc l'or aussi est importé de France et j'utilise de l'or brillant ou de l'or mat qui est ce qu'on appelle bruni, donc poli en fait après cuisson, qui donne des effets absolument magnifiques. Mm-hmm. On parlait des qualités esthétiques de l'objet, ça reste pour moi une préoccupation. Mm-hmm. Même si les propos sont tout à fait contemporains, oui. Tragiques, dans l'esthétique des objets, il y a une qualité visuelle, ouais. que je souhaite garder. Ben, je pense qu'il n'y aurait pas cette... ce serait plus difficile d'avoir ce contraste-là tragicomique si les objets n'étaient pas aussi fins, délicats et parfaits. Puis ensuite, mettre un couteau de boucher là-dedans. Exactement. Le contraste est encore plus présent quand on... Si je peux dire, on extrapole cette finesse-là et cette violence-là des deux côtés. Voilà. Parce qu'il y a un respect des techniques du métier de céramiste. Puis il y a l'intervention artistique qui fait que l'objet décoratif bascule dans son statut à celui d'une sculpture, vraiment d'un objet d'art contemporain. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est le contraste entre la violence et le raffinement. Oui, exactement. Donc, je tiens toujours à ce raffinement. Mm-hmm. Puis les images que vous imprimez, soit que vous faites imprimer numériquement ou que vous peindre, c'est vous qui les... faites, oui. Mais celles que vous imprimez numériquement, comment vous les choisissez? Ce sont des recombinaisons d'images prises sur Internet, okay. Des images de médias. De médias, mais recadrées, retravaillées, recombinées, traitées numériquement aussi, et totalement décontextualisées, donc elles sont totalement retravaillées. Oui. Surtout sur des vases. En plus sur des vases. Décontextualiser, oui. C'est le mot. Voilà. Puis, quel rapport vous avez... As-tu, pardon, non. Réflexe. Donc, quel rapport as-tu à l'objet, justement, soit quand tu le crées, quand tu le diffuses, mais aussi quand tu le détruis, entre parenthèses, parce que ça fait partie de la pratique. Je me demande, qu'est-ce que ça fait de détruire un objet aussi fin et parfait dans lequel on met des heures et des heures de travail? Ben voilà, alors justement, j'ai bien travaillé parce que c'est un piège. Je ne détruis rien, moi. Non, c'est vrai. Ouais, voilà. C'est du théâtre, mon ouais. travail. Donc, les objets sont conçus pour recevoir cette intervention. Mm-hmm. Et il y a bien une hache plantée dans le vase, mais en fait, c'est fait à un stade extrêmement précoce. Toute la décoration est faite a posteriori de l'intervention. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de destruction. Donc, l'objet existe... En tant que tel, avec la crowbar. Absolument. En bon français. Absolument. Il est conçu pour recevoir la crowbar. Et c'est une construction. D'accord. Il n'y a pas de destruction. Il y a évocation de la destruction, oui. mais ce n'est que de la construction et du théâtre. Est-ce qu'il y a une certaine satisfaction? Parce que quand je regarde les vases, là, surtout ceux avec des objets tranchants, mm-hmm. en plein milieu, je m'imagine... La satisfaction qu'on a quand on glisse un couteau dans une livre de beurre, est-ce qu'il y a cette satisfaction-là quand on fait ces actes-là? C'est difficile de dire, je suis pas un sadique, mais de toute façon, travailler la porcelaine, c'est un matériau extrêmement plastique et très sensuel. Ouais. Alors, l'intervention qui est très physique aussi, elle rentre dans le processus du travail de la matière porcelaine. Je suis satisfait effectivement quand j'insère un outil d'ouvrier dans l'objet, mais je suis aussi extrêmement satisfait quand je tourne l'objet sur le tour de potier. Mm-hmm. C'est le même processus, ça en fait. Partie oui, de, ça fait partie de d'un tout. Le processus. Absolument. Oui, je comprends. Puis j'ai une petite question piège. J'ai fait mes recherches, mm-hmm. et j'ai vu que tu étais vétérinaire de formation. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que... Oui, une ancienne vie. Est-ce qu'il y a un parallèle entre ces deux vies-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les arts ont pu vous accueillir comme ça? Qu'est-ce qui vous a fait changer? Mon Dieu, la médecine vétérinaire, c'est une ancienne vie. J'ai été formé en médecine vétérinaire en France, effectivement. Et je suis venu à l'Université de Montréal faire ma maîtrise en physiologie animale. Mais dès que j'ai mis le pied au Québec, j'ai commencé une formation en art. Parce qu'en fait, c'est inspiré. Ce que j'ai toujours voulu être. Et j'avais ici la liberté de pouvoir le faire. Oui. Le changement d'environnement, ça nous permet d'être la personne qu'on veut. Absolument. Donc j'ai complété ma maîtrise en physiologie. Et puis après ça, je me suis inscrit en cours de poterie. Ben merci pour cette confidence. Merci pour ta présence. Je vous en prie. En studio avec nous. Donc, Laurent Crast était ici pour nous parler de son exposition Châtiment à la Galerie 3. C'est du 22 novembre au 20 décembre. Et le vernissage, c'est le 22 novembre, donc ce vendredi, à partir de 17h30. On se laisse pour une dernière pause audio de la soirée. Donc, c'est toujours Orchestre Criminal, album Rio Bra, et cette fois-ci le titre est super facile à prononcer, c'est la chanson Doudou. Bonsoir, chers auditeurs, toujours en onde de CKRL 89.1 à l'aérospatiale. Donc, dernier segment de l'émission, on vous parle de l'agenda de la semaine. Donc, une exposition qui est déjà ouverte, on en a parlé tantôt, c'est Costume de Rosalie Gamache à l'espace parenthèse. Donc, c'est ouvert depuis le 18 novembre dernier. Le vernissage, ce sera ce jeudi, donc demain, à partir de 17h. Vendredi, jeudi, on a l'exposition Contingence. En fait, c'est une exposition résidence au centre Le Lieu des artistes Anne-Marie Ouellette et Morgane Duchesne-Ramsey. Il y aura différentes stations de travail, des dispositifs installatifs, donc ça promet. On a également toujours vendredi « At first I thought it was a mannequin » de Daniel Barrow. Puis on a également « Châtiment » de Laurent Crasse, les deux à la Galerie 3. Le vernissage est à partir de 17h30. Puis pour vendredi toujours, on a « Décore ta face, maquille ta maison » de Joan Bertillon, à qui on a parlé tantôt, chez Critérium, vernissage à partir de 17h30. Dimanche, le 24 novembre, on a l'exposition « Mille feuilles, quand le dessin a lieu ». C'est une exposition collective de la commissaire Lise Lamarche, des artistes de renom, dont Trevor Gold, Raphaël De Groot, François Morelli et plusieurs autres. C'est à la salle Alfred Pellan et le vernissage est, je le répète, dimanche, le 24 novembre, à partir de 14h. Et finalement, mercredi le 27 novembre, donc dans une semaine, Folie Culture nous invite à participer au cercle de lecture sur le profilage racial animé par Ariane Omeranovic et Pablo Rojas. L'activité est réservée aux membres de Folie Culture et se tiendra le mercredi 27 novembre de 17h30 à 20h30 à la Page Noire sur la rue du Roi. C'est également la dernière semaine pour voir La famille de Martin Pantois au théâtre Labordé jusqu'au samedi 23 novembre. Puis on a également Systématique d'Andréane Jacques à la bibliothèque Aliette Marchand jusqu'au 27 novembre. C'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatialeckrl.wordpress.com. Vous pouvez également suivre notre page Facebook et notre page Instagram. Un grand merci à nos invités de ce soir, Rosalie Gamache, Joan Bertillon et Laurent Crast. Puis un grand merci, comme à l'habitude, à notre Riopel de la console, Jacques Gignac. Puis, dans quelques instants, on a Situation critique qui s'en vient sur les ondes de CKRL avec Pierre Blais. Bonsoir, Pierre. Hey, bonsoir. De quoi tu nous parles ce soir? J'ai entendu dire que tu jouais dans nos plates-bandes. Ah, ben absolument, effectivement. Ça aurait pu être un de vos sujets ce ben soir. Oui, hein? Finalement, c'est du cinéma, mais c'est du cinéma qui parle d'art visuel. Mais art visuel au sens large, où on va parler d'installation, on va parler de sculpture, on va parler surtout de l'homme qui est considéré comme l'un des plus grands sculpteurs. Mais de qui parle-t-il? D'Armand Vaillancourt. Ah, bien sûr. Patriarche, hein? Oui. Je rigolais dans un texte que j'écrivais récemment. Il y a l'air un peu de Panoramix, hein? C'est, non, mais tu sais, on le voit dans le bois, là, puis... Grand druide de la sculpture québécoise. Absolument. Et c'est un personnage, hein? Au-delà de ses œuvres, juste de l'entendre parler, de le regarder, de l'entendre parce que c'est un véritable poète, eh bien, c'est fascinant. Et il y a un réalisateur qui est avec nous ce soir, John Blouin. C'est son premier long-métrage documentaire et il a décidé de le faire sur ce personnage-là. Armand Vaillancourt, qui est rendu à quel âge? 88, je pense? Il n'y a pas d'âge, en fait. C'est un druide, hein? Effectivement. Mais il marche le dos drette, comme oui. on dit. Il marche le dos drette et le film lui est entièrement consacré. On le voit sur ses terres, sur sa ferme. On le voit discourir sur la vie, sur la nature. C'est un film assez fascinant qui prend l'affiche, non pas ce vendredi, mais l'autre vendredi. D'accord. Suivant. Donc, c'est pas que sur l'art visuel, c'est aussi sur la vie. Oui, sur l'homme. Puis, c'est pas un film, tu sais, une biographie qui part de son enfance, qui nous raconte comment il a vécu avec ses parents, puis non, on n'est pas là-dedans, là. On est dans quelque chose de beaucoup plus expressionniste, puis ça donne un portrait, quand même, malgré tout, un portrait fascinant de l'artiste, et surtout de l'homme. Ah ben, j'en doute aucunement, parce que l'homme est fascinant lui-même, donc dès qu'on parle un peu de lui... Il faut en profiter pendant qu'il est là, même s'il marche le dos drette. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un autre sujet pour piquer notre curiosité? Ben, il y a un film sur l'automobile, Course de char avec Christian Bale et Matt Damon, on va en parler. Et un film sur un personnage imaginaire dans le film, mais qui est Hitler. Un petit garçon qui s'imagine avoir comme ami imaginaire Hitler. Oui. Ça, c'est Jojo Rabbit, avec entre autres Scarlett Johansson. Ça a l'air hilarant. Ben, c'est une comédie, il faut le dire, parce que pour jouer avec l'image d'Hitler, aujourd'hui, c'est soit qu'on en fait un méchant, un mécréant, ce qu'il a évidemment été de par ses actes, mais aussi pour en faire peut-être une sorte de caricature. Donc on va voir si c'est un film incontournable ou non avec Louis-Marie Babin qui va nous parler de Jojo Rabbit. Ah ben on n'a pas le choix d'écouter ton émission. Ben voilà. Tout ça et plein d'autres choses. Oui. Génial. Ben bonne émission, merci. Pierre. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera encore moi en remplacement de Jean-Tierre de la France, donc pour l'aérospatiale le mercredi 27 novembre à 17h30. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Bon, silence. Ready when you are. Dès le 6 décembre, venez découvrir le nouveau cinéma Le Clap de Place Sainte-Foy. En décembre, voyez au Clap Loretteville et celui de Place Sainte-Foy. Playmobil, le film, dès le 6 décembre. Jumanji, le prochain niveau, dès le 13. Star Wars, Ascension de Skywalker, dès le 20. Et Espace Incognito, dès le 25 décembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca. Aujourd'hui à Situation Critique, un film avec Fabrice Luchini, Alice et le maire. Un film sur Hitler, mais en ami imaginaire, Jojo Rabbit. La course, Le Mans, 1966, avec Christian Bale et Matt Damon, dans un film au titre Ford contre Ferrari, et le réalisateur John Blouin pour son film sur Armand Vaillancourt.